Chapitre 2. J'ai tenu à rapporter tout au long la légende. Le vœu de Gralon fut accompli, l'église fut édifiée sur l'emplacement qu'il avait désigné, trois valises d'or sauvées du naufrage de Kéris suffirent à peine à couvrir les frais du monument qui eut en effet, s'il faut en croire la tradition, autant de piliers de pierre que le pays de Rumingol avait d'arbres. C'est dire que le sanctuaire actuel n'en est qu'une réduction mesquine. Mais, comme s'exprime le proverbe, il ne faut pas mesurer aux proportions de l'Église la grandeur des miracles. L'humble chapelle d'aujourd'hui a gardé aux yeux des Bretons le même prestige que la somptueuse basilique d'autrefois. Ils y accourent de toutes parts, toute l'année durant, de l'argoite et de l'armor. Note. L'argoite, pays des bois, désigne surtout l'intérieur de la Bretagne, l'armor, le littoral. Un soir d'août, je débarquais au cloître Plourin, petite halte de la ligne de Carhaix, perdue dans une steppe marécageuse, au milieu d'une région de tourbières éventrées, étalant çà et là des lèpres noires et des miroirs d'eau stagnante et sinistre. Pas d'autre maison que la gare. J'avais dessein de visiter les Cragous, sortes de vagues en pierre rebroussées dans la direction de l'ouest, qui hérissent de leurs crêtes étranges cette partie de la montagne d'Arrée. Je pris la seule route qui s'offrait à moi, un de ces chemins primitifs faits de deux ornières enserrant une sente herbeuse, et qui, selon l'adage breton, ne sont guère fréquentés que du chariot des âmes en peine. Une vieille cependant y marchait, à quelque distance, devant moi, une pauvre vieille à l'allure hésitante, les pieds chaussés de lourds souliers d'homme, la taille si courbée que ses longs bras avaient l'air de prendre naissance dans ses reins. En passant à côté d'elle, je la bonjourais. Elle me répondit d'une petite voix jeunette, au timbre argentin. J'ai souvent observé que chez nous, les femmes du peuple gardent jusqu'aux extrêmes limites de l'âge je ne sais quel charme d'enfance. Il était évident aussi qu'elle éprouvait un sentiment de joie à rencontrer un être humain dans cette immense solitude. La tristesse des choses autour d'elle lui causait une impression pénible qu'augmentait encore la mélancolie du soir et cette espèce d'effroi qu'il traîne à sa suite en nos climats occidentaux. Elle engagea la conversation, exprima l'espoir que nous avions peut-être à suivre longtemps ensemble la même route. « Moi, dit-elle, je voudrais atteindre le bourg de Bérien avant l'extinction des lumières. Malheureusement, je ne suis plus un gambe. Je vais comme une loche. » D'une des poches de son tablier, le col d'une burette sortait. « Vous êtes sans doute pèlerine, » demandai-je. Je le fus, oui. Naguère, on ne voyait que moi sur les routes. Mais les forces s'usent. J'ai près de 80 ans. Je devrais être déjà couché dans ma maison du cimetière. Je pratique encore, pourtant, parce qu'il faut vivre jusqu'au bout, n'est-ce pas? Elle m'apprit qu'elle se rendait à Rumingol, par Bérien, Comana, à travers tout le pays montueux. Il y avait 2 jours qu'elle voyageait, depuis Plounévé-Moedec, dans les côtes du Nord, jouxte la forêt de Quananoz. Elle allait prier la Vierge de tout remède. Note de Rumingol, nom de lieu dont la signification s'est perdue, le clergé a fait Rened Hall, ce qui veut dire tout remède. Pour le prompt trépassement d'un moribond qui souffrait des affres infinies sans pouvoir exhaler son dernier souffle. Pour me retenir plus longtemps à son côté, elle se mit à me donner des détails sur les rites qu'elle aurait à accomplir une fois parvenue au lieu de son pèlerinage. Elle s'agenouillerait d'abord en face du porche où Gralon est représenté implorant pour les Bretons la tendresse de Notre-Dame, mère de la chrétienté. Elle ferait ensuite à 3 reprises le tour de la chapelle, pieds nus, ses souliers dans les mains, en marchant à l'encontre du soleil et en récitant la très ancienne ballade en langue armoricaine, connue sous le nom de « Rêve de la Vierge ». Dame Marie la Douce en son lit reposait quand il lui vint un rêve. Son fils passait et repassait devant elle et la contemplait. Je dus entendre toute l'oraison qui est d'ailleurs exquise et empreinte d'une fraîcheur en quelque sorte galiléenne. Viendrait alors la prière dans l'église. La bonne femme allumerait un cierge au pied de l'image sacrée, le laisserait brûler un instant, puis brusquement l'éteindrait pour signifier à la glorieuse Marie quel genre de service on attendait d'elle. Il était fort à présumer qu'au même moment là-bas, à Plounévé-Moedec, l'agonisant rendrait l'âme. Sinon, elle avait encore une ressource. Elle irait à la fontaine de la Sainte et y emplirait sa burette. Au retour, elle répandrait quelques gouttes de cette eau sur les paupières du patient et ses yeux aussitôt se renverseraient dans leurs orbites et la douleur le quitterait avec la vie. C'est, je crois bien, la 56e fois que je fais ce parcours et pour 56 vœux différents. Il n'est pas de grâce que Rumingol ne dispense. Il guérit des tourments d'esprit comme des infirmités du corps. Gralon en fut le premier miraculé. Le démon de sa fille A.S. le possédait et troublait ses nuits. Notre-Dame l'en délivra. Lancée sur ce chapitre, la vieille ne tarit plus, mais nous étions sur la pente des Cragous. « Ah, vous allez aux roches ? » fit-elle, avec un léger frisson. « Dieu vous garde. Moi, mon chemin est par cette trouée. » Elle disparut peu à peu dans un repli de la montagne. Arrivée au faîte, je me hissai sur une des grandes pierres et je la revis, la pauvre vieille, qui se hâtait de son pas clopinant sous la tombée grise du crépuscule. À deux lieues vers le sud, par-delà le désert des tourbières, un clocher pointait au-dessus d'un bouquet d'arbres, égrenant dans l'air calme des tintements mélancoliques. L'Angélus sonnait, abérien. Chapitre 3. C'est dans la première semaine de juin, au joli mois de la fenaison. Le train de 6 heures vient d'entrer en gare de Quimper, regorgeant de monde. Sur tout le trajet depuis l'Orient, il accueillit des pèlerins. On les entrevoit par le cadre des portières, assis bien sagement, figures sérieuses et recueillies. Il y a parmi eux des Vantais, des Gwenédours, aux cheveux plats, aux traits énergiques, durement sculptés. Des hommes de Sker, aux belles carrures, en des vestes noires sous-tachées de velours. Des gars d'Éliant, engoncés dans leurs cols raides, des Saints-Sacrements brodés dans leur dos. Beaucoup de femmes, celles-ci flétries avant l'âge, la peau terreuse, la taille élargie par les travaux des champs et les maternités incessantes, celles-là, délicieusement fraîches, pures fleurs d'idylle, laissant flotter, ainsi que des pétales blancs, les ailes éployées de leur coiffe. Sous le hall, des groupes stationnent devant les compartiments bandés, paysans et paysannes de la banlieue quimpéroise, gens de Kerfintin et d'Erguet, de Plomelin et de Fouénan. On attelle des wagons supplémentaires qui sont immédiatement pris d'assaut. Le train repart, emportant cette caravane de croyants grossie de halte en halte. Je me suis faufilé à grand-peine dans une voiture occupée principalement par des soldats, de petits conscrits bretons, imberbes pour la plupart, les mains calleuses encore de la charrue, l'air rustique sous l'uniforme. Ils ont eu l'heureuse chance de n'être point dépaysés, d'avoir leur garnison à portée de leur village. Et disposant d'une permission de 24 heures, ils les vont passer à Rumingol, par dévotion sans doute, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils y rencontreront leurs parents, leurs amis, et, comme bien l'on pense, leurs douces. Note, c'est par cette gracieuse appellation que les Bretons désignent la bien-aimée. Cette perspective et le sentiment qui s'y joint d'une liberté momentanément reconquise ne laissent pas de les surexciter quelque peu. Ivresse passagère, du reste, vite évaporée. La gaieté dans notre race n'a qu'un épanouissement rapide et se fane aussitôt. Maintenant, ils devisent entre eux gravement, semblent se concerter à mi-voix. Sur l'invitation de ses camarades, un d'eux se lève, un tout jeune homme, presque adolescent. Aux lignes délicates de son visage, à ses yeux fins, couleur d'herbe roussie, on devine un pâtre démon. Après s'être recueilli une seconde, il attaque d'une voix claire, habituée à retentir dans les grands espaces, non un refrain de chambrée, comme on eût pu s'y attendre, mais une complainte mystique, au rythme alangui, le cantique populaire de Notre-Dame de Rumingol. Lili, arantet ho deliu, warvord andur zo erpraju, doué des zo roas dilad, asquiller mesiu, pebrues vad. Des lys, aux feuilles argentées, sont au bord de l'eau, dans les prés. Dieu leur donna des vêtements, dont l'odeur au loin embaume les champs. Le cœur des troupiers reprend chaque strophe, lui communiquant une ampleur immense, et le chant semble fuir au loin derrière nous, emporté dans un vent de vitesse, avec les grandes fumées blondes qui font sillage aux deux flancs du train. C'est une sorte d'éclogue religieuse, doux fleurante, imprégnée d'un double parfum de nature et de piété. Elle évoque dans l'atmosphère du wagon, sans air et sans jour, où nous sommes parqués, des visions de courtils lumineux, de coteaux boisés, d'eau courante au creux des vallons, et d'un sanctuaire dressant à mi-pente son clocheton gris brodé de lichen. Ce qu'il nous est donné d'entrevoir de la contrée que nous traversons ajoute encore à cette impression de fraîcheur et de rusticité. La verte et ondoyante cornouaille déploie de part et d'autre la splendeur grasse de ses pâturages, le miroitement de ses rivières, le bleu rempart de ses collines dont les dentelures sous le soleil couchant sont comme burinées d'un large trait d'or. Un ciel léger, des frissons tièdes, la vivante haleine de la mer, on monte, une ligne de hauteurs austères et dénudées se dessine, des pyramides de pierres entassées les couronnent, semblables à des cairns des anciens âges. Une nappe d'eau canalisée réfléchit leur grand profil, et sur ses bords, des maisons blanches sont rangées paisiblement, leurs façades un peu assombries par les reflets d'ardoises qui projettent les carrières d'alentour. C'est ici Châteaulin, une sous-préfecture d'Arcadie. On franchit le canal sur un viaduc, d'où l'œil domine un instant ses courbes harmonieuses, l'écharpe d'azur mat qu'il déroule à travers des solitudes presque vierges jusqu'à la pointe de l'Andévennec. L'aulne passée, on entre dans un pays nouveau. Il n'a point l'âpreté des cimes qu'on laisse après soi, mais encore moins l'aspect joyeux, cette riante figure des choses qui caractérise la Cornouaille du Sud. Région de plateaux découverts, coupée de ravins profonds comme celui de Pont-Arvezen ou de combes tristes comme celle de l'Opérec. Sa physionomie respire un je ne sais quoi de sobre et de grave, annonce déjà le Léon. Le train s'arrête dans une petite station en rase campagne. Un employé crie « Chimère ! Les voyageurs pour Humingol descendent !» Les wagons débarquent sur le quai, une multitude grouillante, silencieuse et bariolée. Il est 8h30 environ. Le ciel, d'une blancheur lactée, s'est peuplé d'une procession de nues qui semblent s'acheminer, elles aussi, dans notre direction. Les pèlerins s'égrènent au long d'une route grimpante, bordée çà et là d'auberges. Sur un palier, le bourg de Chimère, transporté en cet endroit depuis l'ouverture de la voie ferrée, groupe autour d'une église neuve quelques maisons banales. Et cela n'est pas sans causer une déception, ce village improvisé. Au milieu de ces grands horizons sévères, reposant sur des assises de granit bâties pour l'éternité. Par-delà le bourg, la côte recommence. Les bras d'un calvaire se dessinent au sommet, sur le fond encore illuminé du couchant. On a de là-haut une des plus admirables vues de Bretagne. Une terre singulièrement attirante dévale à vos pieds, tout au bas, des silhouettes de toits pointus, un vieux décor de ville moyenâgeuse gravé à l'eau-forte. Note. Le fou. F-A-O-U. À gauche, des images grises et fuyantes, de vagues estompes lointaines, pareilles à des nuages immobilisés, et qui sont d'abord les crêtes du Ménésome, puis le trident que plante au large le promontoire de Crozon, la main à trois doigts, dont il fouille les entrailles de l'Atlantique. À droite, la rade, ce que les Bretons appellent la mer close, une filtrée d'océan au sein des labours et des bois, quelque chose de froid et de clair, la lumière glacée d'une eau dormante, où vibre encore l'adieu du soleil disparu, et où les houles viennent mourir en un pas les derniers frissons, en deçà une échancrure profonde, pleine d'ombre verte, et de l'autre côté du ravin, la coupe brune du pays d'Anvec, qui porte suspendue à son flanc la petite Mecque bretonne, la sainte oasis de Rumingol.